Elle avait, qui ça donc, Valentine, le cul fragile. Qu'est-ce qu'est Valentine, Valentine. Elle avait, qui ça donc, Valentine, Valentine, Valentine. Quoi donc, le cul fragile. Quoi donc, le cul fragile. Qu'est-ce qu'elle avait, hein? Qui ça donc, quoi? Ah, qui ça donc? Elle avait. Qui ça donc? Valentine, Valentine. Qui ça donc? Valentine, Valentine. Qu'est-ce qu'elle avait donc? Le cul fragile. Et quoi donc? Le cul fragile. Qu'est-ce qu'elle avait? Le cul fragile. Qui ça donc? Valentine, Valentine. Elle avait. Le cul fragile, qui ça donc? Valentine, Valentine. Quoi donc? Le cul fragile, qui ça donc? Valentine, Valentine. Le cul fragile, elle avait. Qui ça donc? Valentine, Valentine. Quoi donc? Le cul fragile. Le cul fragile, le cul fragile.